J'suis rentré dans le jeu, j'étais pas titulaire. J'me suis fait sans aucun témoin oculaire. J'peux te baiser si contre nous j'témoigne enculé. J'laisserai pas mes gosses à moi nous incurer. Dans mon tandoori, mais la sauce curry. J'arrache la prod, la relâche. Forcément plus Ronaldo que Messi. Forcément plus LeBron James que Curry. J'ai que mes couilles sur le curriculum. Je me reconnais pas quand je vois vos droits de l'homme. Je vais le dégager celui qui veut faire de l'ombre. Je vais te casser le nez si tu veux faire le de long. Je suis dans la maisonnette, appelle si tu veux. Que je te casse ton cul ou s'il faut des biberons. Kadem j'ai de la cible, Kadem du Fanta. Je me souviens plus dernière fois que je me suis mis rond. Ils sont nains de ouf, mini en scooter roufé. Les écoutes, ils ont tout fait. Nous suis même ensemble étouffés. J'suis calé à mes honnêtes. Silence, bâtard contre ton rec. Otis fait rap de côte au rep. On envoie et y'a zéro rep. J'ai l'arrêt dans l'arrêt. Char de la doc, j'suis à l'arrêt. Cogite sur le prochain opus. Lourd dans le gang, ne fanaï pute. J'suis G-Charge, j'viens de récup. Passe un monde une fois qu'il y en a plus. J'suis G-Charge, j'viens de récup. Passe un monde une fois qu'il y en a plus. J'arriverai pour la finesse. J'mets de la vitesse. Vous voulez l'armée à plus de cran. Cramponnez-vous, c'est parti la randonnée. Faut pas trop les gens donner. J'envoie dans des chambres d'hôtel, j'envoie dans des parcs. J'envoie des claques, la poussière est grave au PN. Un fusil pour ton totem et elle saute. Pas dans la cuisine, ramène A. Fumer, envoler A. On fait des signaux. Fais pas de la chino, pas de la signe. Pas sur le papier, j'ai mis un papier sur toi. Pourquoi tu bassines? Moi j'ai vu tes foncé à ta sainte. Donne-moi ton bassin juste. Bon, la nuit c'est la nuit. J'écoute pas ton speech. Il a trop pop, il a du Fendi. Il a trop cop. J'ai ta pute en crop top. J'ai pas de pute pour ton shop. Non, la pute à Photoshop. Elle voulait percer. Je veux tout contrôler comme percer. Les énergies sont inversées. Elle voulait percer. Je veux tout contrôler comme percer. Les énergies sont inversées.